encore et toujours. Yé, vois-tu qu'elle a besoin de comment on a yé pour tout salé là. Nathan, on t'en a besoin de ma pamoli. Nathan, on t'en a besoin de ma camola bifé qui n'est pas le Mais bien, il y a un cas de Kombo ya Kofi et comme à côté de ma collègue, Kombo ya Yezu. Bien fait. Kofi Azaneka Kofi. Azana Kosa ya esclave et à tous les babouis au vivre et tous les babouis à Kombo na été dans mon corps. Ah, vraiment. Je crois que je n'ai pas Mais Niniko. Boleman pengayi, nana musokaka, papa ya banananga, tete onkanjanzu na didi, yego kina ya vis. Boleman gumbu nangayi, nana musokaka, mwana ya papa shale ya kenda, atike na shale ya muyami, tutu na dezo nina ye mevmagali, anabel mkumbu ya kofi, eda na maji ya lupemba. Nkungu ya mupawi, epesa kashala moto tru. Esi eyebana, mpova luba yoi, luka kufi na problema, mpozo aktualite, kosala kumu ya kufi, pa n'importe kwa ye. Kasi kumwa mupawi, eko kita eko rublase, Nkumbu ya Jésus, et faire baïva zoluka li pamouli, koluka salut éternel. Mais pourquoi va-t-on mingi na kumbu yu, pani komi sa esclave, yankumbu ya rambo, bako kateko vivre, sako tanga ka komo na ye, ya yana didi. Alfankonde, amena na wakayoko, jojo weya, wapijwa o lorenzo. Kaya kofi, ome mango na unui Epa ya guteresh, na yebiza wango batika mupa ukinya Moro mokeye Sasungeso, poti foru nyasimbeye Alasan watara, tenwa foru kagame Kaya kofi, ome mango na konsey De sécurité, pas étant mon bâtiment, mais tout le monde est pas jaloux. Y'a confié à Billy, mon yambara, Fali ou Poupa, Futurine et Yusundur. Vincent Gomez, Toluca, Nalfou, Teba, Atana Berti, Ota la célébration, comme la grande Poupa, oui. Comme y'a moutou, il n'y a pas ma collègue, ma problème sérieux, y'a mouka. Que cela se sache une fois pour toutes. Manapoka na mana nyo sote. Manamaka kamoto kaka. Merci. Alfan konde, nana nefa makisa. Ugo gulundele, inawele ngoya. Valeur ya kofi, bo protege mon amuse tope na pentagone. Na USA. Mouba kokanatu, kasima sou nyo swa mokili, kakase ya mopawe, toujours. Ntoko samba koukwa, bousi boulongake, avant fosse. Dino boza parfait, dino asa defongo kote. Nazana nyongwa bako fifio, naza esclave ya boulot, nazana nyongwa ya batoyo. Balinga kamo sana, kwe salama vato rafinamo Yamodele ya Antoine Yamodele ya Antoine Ayye mama ye Yamodele ya Antoine Botika na kimia Yamodele ya Antoine Ayye kise mwa la pe Samuel Eto'o, le roman d'Afrique, Didier Morvan, Romélie. secret. But so bad with Allah, if you want to go to the Common Aye, but we want to open and tell me. Or you will be a Nicabo to Kaka. Somebody told me.